Innamoramento. Le lendemain, j'arrive très tôt à mon travail. Le personnel de nettoyage est encore là. Je m'installe derrière mon bureau, allume le Minitel. Mes doigts courent sur le clavier. Bonjour Nathalie. J'avoue avoir eu un peu de mal à m'endormir hier soir. Le marchand de sable n'évoque une chance face aux yeux bleus d'une fée qui m'a tenu la main toute la nuit. Ce matin, j'ai l'impression d'avoir oublié de vous dire un million de choses. Pourrais-je me permettre de vous appeler ce soir, Jean? J'ai bien dû modifier ce texte une dizaine de fois avant de me décider à l'envoyer. Heureusement, ce jour-là, j'ai toute une série de réunions qui s'enchaînent les unes derrière les autres et je n'ai pas beaucoup de temps pour penser à autre chose. En fin de journée, je trouve enfin un moment de tranquillité pour ouvrir le Minitel. Un message m'attend. Bonjour Jean, merci pour votre si gentil mot. Je répondrai à votre appel avec plaisir après 20 heures. Nathalie. Rentrée à mon hôtel, j'ai pris une douche pour ensuite aller dîner rapidement à la brasserie que d'ordinaire je ne fréquente qu'à midi pour la pause déjeuner. À 19h30, je regagne ma chambre. Les minutes me paraissent des heures. 20h01, je décroche le téléphone et compose le numéro que j'ai 100 fois le temps d'apprendre par cœur. La sonnerie d'appel retentit 2 fois, un déclic et cette voix si douce que j'ai dans l'oreille depuis hier soir. « Allô ?»« Nathalie ?»« Bonsoir, Jean. Je suis heureuse de vous entendre. »« Bonsoir, Nathalie. » Un silence. Tout à coup, je ne sais plus quoi dire. « Jean, vous êtes toujours là ?»« Oui, Nathalie. Mais il semble que la fée de qui j'ai rêvé cette nuit m'ait jeté un sort et que je sois paralysée. » Un petit rire. « Pour quelqu'un de paralysé, vous tournez fort bien le compliment. Mais vous n'avez peut-être pas tort. » Les fées ont des pouvoirs redoutables, et tout particulièrement les fées irlandaises, surtout celles aux yeux bleus. Dans ma tête, tout se bouscule. Comme un alcool fort, le son de sa voix me désinhibe totalement. Je lui réponds. Je n'en doute pas et je m'attends à être changé en crapaud pour la proposition que je vais vous faire. Elle entre dans le jeu et je peux presque voir son sourire. Si cette proposition n'est pas convenable, il se pourrait bien que cela vous arrive. De toute façon, c'est ce que je me sentirais être si je vous froisse d'une quelconque façon. Vous piquez ma curiosité, je vous écoute. Je suis totalement en panique. Peut-être va-t-elle être vexée, me raccrocher au nez. Je prends une grande inspiration et je me lance. Le délai est un peu juste, mais ce n'est pas tant le facteur temps qui risque de poser problème que l'objet de ma demande. Votre demande. Vous êtes déjà marié, donc de ce côté-là, je suis rassuré. Ce n'est pas une demande en mariage. De quelle folie s'agit-il donc ? Le ton enjoué de sa voix me met en confiance. Voilà. Les quelques heures passées en votre compagnie ont été un vrai bonheur, et j'ai cru comprendre que c'était partagé. Vous êtes très perspicace, Jean, en plus d'être un maître du suspense. Je vous en supplie, ne me faites pas languir. De quoi s'agit-il? Je vous prie de me croire. Je n'avais vraiment pas cette demande à l'esprit lorsque je vous ai appelé. Cela m'est venu dans l'instant, quand j'ai entendu votre voix. M'autoriserez-vous à vous enlever demain soir? M'enlever demain soir? Oui, pour le week-end. Je ne l'entends même plus respirer, puis... Mon Dieu, comme vous y allez! Au lieu du gentleman que j'ai rencontré, aurais-je affaire à un hussard? Je comprends la maîtrise, je bafouille. Pas du tout, Nathalie. Ce sera en tout bien, tout honneur, avec chacun sa chambre, mais je ressens tellement le besoin de vous revoir, de mieux vous connaître. Elle s'est manifestement remise. Pardonnez ma réaction, mais avouez tout de même que c'était pour le moins inattendu. Ouf, je respire. Elle est encore là, elle n'a pas raccroché. J'en conviens, je vous explique. Connaissez-vous Fontainebleau, le château, la forêt? Mais je comprendrai que vous ayez d'autres occupations, d'autres engagements. Non, et j'avais le projet de les visiter. Un silence. Elle doit réfléchir. C'est très tentant, et je suis très tenté. Le délai est un peu court, mais le moins que je puisse faire est de vous rendre la politesse par rapport à notre rendez-vous, pour lequel vous avez sans doute dû bousculer votre emploi du temps. C'est entendu, Jean, mais à la condition que Béatrice soit disponible pour garder Peter. Si vous le permettez, je vais l'appeler, et je vous rappelle d'ici un petit quart d'heure. Seigneur, je n'arrive pas à y croire. Elle n'a pas encore accepté, mais elle n'a pas dit non. Je lui donne le numéro de la ligne directe de la chambre et je raccroche. Croisant les doigts pour que Béatrice devienne sainte providence. Le quart d'heure qui s'écoule me fait passer par tous les états, surtout lorsqu'il se transforme en 20 puis 25 minutes. La sonnerie me fait sursauter, je décroche. Allô, Nathalie ? Oui, Jean. Pardonnez-moi d'avoir un peu tardé, mais vous savez ce que sont les femmes. J'ai dû lui parler un peu de vous et lui donner quelques détails. Lorsque Béatrice a su quel était le motif de ma demande, elle a tout de suite dit oui, rajoutant que même s'il n'avait pas été libre, elle se serait décommandée pour que nous puissions nous voir. Alléluia ! Béni soit Béatrice ! Si vous saviez comme je suis heureux, remerciez-la pour moi. Je vais appeler dès ce soir pour réserver, et j'espère que cela vous plaira. J'en suis certaine. Quand pourrais-je passer vous prendre vendredi ? C'est pour estimer l'heure d'arrivée, pour les chambres et le dîner. 18h30 ? Cela conviendra-t-il ? Ce sera parfait. J'appelle tout de suite. Bonne nuit, Nathalie. Bonne nuit, Jean. Je vais rêver de grandes forêts. Elle raccroche. Je jurerais avoir entendu le bruit d'un baiser avant le déclic. Mon cœur bat la chamade, mais je garde suffisamment de présence d'esprit pour appeler la réception et demander le numéro de téléphone d'une auberge aussi réputée pour sa table que pour le confort de ses chambres. Elle est située à Barbizon, en lisière de la forêt de Fontainebleau. Un quart d'heure plus tard, tout est bouclé, et mon interlocuteur m'a même donné quelques détails plus qu'intéressants sur la programmation de la soirée de samedi à dimanche. Une idée folle me traverse l'esprit. Trop tard pour organiser quoi que ce soit maintenant, mais demain, à la première heure, je mettrai tout en place. Je me laisse aller sur le lit, des rêves plein la tête. Je n'aurais jamais cru être capable d'une telle audace avec une femme que je ne connais que depuis 24 heures. Je sens confusément tout au fond de moi que si cette histoire a une suite, ce ne sera pas qu'une simple liaison. Au diable, le bon sens, l'heure n'est pas aux atermoiements. Le lendemain, je lui laisse un petit mot sur Minitel pour lui dire que la réservation a faite et aussi de prévoir une tenue décontractée pour la visite de Fontainebleau. Je l'attendrai devant son immeuble à l'heure dite dans une CX. Il se trouve que je possède la même voiture que pour des raisons bien compréhensibles, j'ai laissée à la maison. Ne suis-je pas censé être parti en train dans le Nord ? Dans l'ordre, j'en suis téléphoné de la maison Madénian, qui m'a assuré que tout serait livré à Barbizon à leur demander, puis j'ai loué la CX, et à la pause déjeuner, j'ai vite couru m'acheter une tenue adaptée à la visite du château. À 18h, je récupère ma valise laissée à la réception de l'hôtel, j'ai libéré ma chambre le matin, et je file au parking Hertz, pas plus d'embouteillage que d'habitude. À 18h25 précise, je me gare devant le 88 avenue Foch. Je me dis que les hauts fonctionnaires américains sont particulièrement gâtés en matière de logement. Avenue Foch, le prix du mètre carré atteint des sommets. Je vais apprendre plus tard qu'en fait Nathalie est propriétaire de son appartement. La voilà d'ailleurs qui franchit la porte de l'immeuble et s'engage dans l'allée qui mène à la grille, traînant derrière elle une valise bleue. Je descends de voiture et m'avance sur le trottoir. Elle est emmitouflée dans une veste trois quarts en mouton retourné dont elle a relevé le col, un pantalon épais en jeans, des bottes fourrées et sur ses cheveux blonds, un charmant béret beige clair. Elle est adorable, on dirait une gravure de mode pour les sports d'hiver. Elle passe la grille, la referme derrière elle, et me prenant par l'épaule m'embrasse comme hier soir sur les deux joues. Son parfum m'emplit le cœur et je reste une fraction de seconde comme immobilisé, ne sachant si je vais lui rendre le baiser d'hier soir. Sur le trottoir, au milieu des passants, ce sera peut-être malvenu. Je me contente d'un « Bonsoir, Nathalie. C'est un bonheur de vous revoir. » Auquel elle répond avec un sourire. « Bonsoir, Jean. Le bonheur est partagé. » Je prends sa valise et la charge dans le coffre à côté de la mienne, puis lui ouvre et lui tient la portière pour qu'elle puisse monter et s'installer. Lorsque je fais le tour de la voiture pour venir m'asseoir au volant, je la vois qui me regarde en souriant. Son visage est ravissant. Je n'ai qu'une envie, c'est la prendre dans mes bras et la serrer contre moi. Je suis sûr qu'elle le sent. Peut-être a-t-elle la même envie que moi. L'expression de son visage a changé. Ses yeux sont presque clos. Une expression que j'apprendrai à connaître et que j'appellerai ses yeux chinois. Où m'amenez-vous ? Une hôtellerie à Barbizon, en lisière de la forêt de Fontainebleau. En comptant les embouteillages du vendredi, nous avons une petite heure de route. Il fait déjà nuit quand nous quittons Paris. Et le trajet se passe à revenir sur notre conversation téléphonique d'hier soir. Je reconnais avoir été quelque peu cavalier et m'en excuse. Nathalie me rassure d'un sourire. Non, ne vous excusez pas. J'avoue que les premiers mots m'ont laissé sans voix. Mais vous étiez si charmant qu'il était impossible de ne pas dire oui. Et puis, en toute franchise, je suis ravi de me faire enlever. Je trouve cela très romantique. J'ai une totale confiance en vous. Je crois que vos yeux ne mentent pas. Vous êtes un homme droit, honnête, et ce qui ne gâte rien, quelqu'un de calme. Enfin, du moins en apparence. Vous êtes très certainement un passionné, et j'aime les gens passionnés. Je suis un peu confus d'avoir été si bien perçu par Nathalie. Un peu confus, mais en même temps heureux qu'elle apprécie ma personnalité. À mon tour de lui dire combien je la trouve belle. Surtout que derrière cette beauté, il y a une âme généreuse, tournée vers les autres, et qu'avec cette générosité cohabitent volonté et courage. Avec tous ces échanges à cœur ouvert, nous sommes bientôt arrivés à Barbizon et nous entrons dans la cour de l'hôtellerie. Au vu du nombre de voitures dans le parking, il semblerait que l'établissement ne soit pas loin d'être complet. J'ai la chance de trouver une place libre tout près de l'entrée. Un bagagiste se précipite avec son chariot et nous le suivons à la réception. Dès l'entrée, tout respire le luxe, un luxe discret au charme un peu désuet des manoirs du XVIIIe siècle. Le toit de chaume que nous avons pu apercevoir en descendant de voiture, les grandes poutres apparentes du hall d'accueil et le dallage du sol ajoutent encore à cette impression d'avoir fait un saut dans le passé. Nathalie me prend par la main et me fait un bisou sur la joue. « Merci, Jean. C'est somptueux. Vous avez fait des folies. Un écrin à votre beauté. » Le compliment la fait rougir, mais je vois bien qu'elle est vraiment très heureuse. Je m'adresse à la réceptionniste. La jeune femme nous regarde l'un après l'autre et me fait préciser. « Vous avez bien dit deux chambres. C'est exactement ce que j'ai dit. » Un rapide coup d'œil à son registre des réservations. « Veuillez m'excuser, monsieur. Tout est en ordre. Vous avez le 206 et la suite junior 208. » Elle me tend les clés qu'elle prend sous son comptoir. « Bon séjour parmi nous, madame, monsieur. » Le bagagiste nous conduit à l'ascenseur et nous précède dans le couloir au deuxième et dernier étage. La chambre de 206 et la suite de 208 sont contiguës. Galamment, j'invite Nathalie à prendre la suite en lui expliquant que c'était tout ce qui restait de libre lorsque j'ai appelé. Lorsque nous entrons, la première chose que je vois est une porte de communication. Les deux chambres sont non seulement contiguës, mais qui plus est, communicantes. Je n'avais demandé ni l'un ni l'autre lors de ma réservation. Seulement que les chambres soient au même étage. J'espère que si elle s'en rend compte, Nathalie ne s'en formalisera pas. Pour l'instant, elle s'extasie sur le raffinement de la décoration. Elle se tourne vers moi, les yeux brillants de plaisir. « Jean, c'est ravissant. J'ai l'impression d'être une princesse, et vous? Comment êtes-vous logé? Je serai vraiment très bien. Ne vous inquiétez pas. » Je vais vers le bagagiste, lui tend un billet. « La valise noire dans la 206, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Je laisse la clé sur la porte. » Je reviens vers Nathalie et attends poliment qu'elle ait fini d'explorer la chambre et la salle de bain. Je vous propose de nous retrouver au bar dans une heure, le temps de nous installer et de nous changer pour le dîner. À tout à l'heure, Nathalie. Elle s'approche de moi avec son sourire espiègle et ses deux adorables fossettes. « Vous oubliez quelque chose, Jean. Hein? Et quoi donc? Ça. Et merci du fond du cœur. » Et avant que je me rende compte de ce qui m'arrive, elle me passe les bras autour du cou et me donne un baiser sur les lèvres aussi doux et aussi chaste que le soir où je l'ai raccompagnée chez elle. Instinctivement, j'ai refermé les bras autour de sa taille. Elle se dégage doucement, les yeux brillants de malice et de plaisir. Je sens bien que je suis en train de tomber amoureux et j'ai du mal à chasser la voix de la raison. Je me dois de respecter le contrat. De doux moments à partager, mais chacun sa vie. Je ne sais pas encore que cela est déjà impossible, et que l'amour va nous emporter dans un tourbillon de folle tendresse et bientôt de totale fusion. Je passe rapidement une chemise blanche, une veste de blazer droite et un jean que je viens juste d'acheter la semaine dernière. Comme je ne mets pas de cravate, peu importe la couleur des chaussettes qui seront noires comme les mocassins. Un peu avant 20h30, je m'installe à une petite table du bar, juste devant la porte. Au serveur qui vient s'enquérir de ma commande, je réponds que j'attends quelqu'un pour les dîners, mais que nous reviendrons prendre le café. À peine le serveur s'en est-il retourné derrière son bar, que Nathalie franchit le seuil. J'en ai le souffle coupé, et me lève tel un boxeur à la limite du chaos. Une robe bleue nuit près du corps, au-dessus du genou, avec un décolleté en V qui laisse plus que deviner la naissance d'une magnifique poitrine, une pochette avec des escarpins sortis et toujours ses cheveux blonds coiffés de côté sur l'épaule gauche. Elle s'approche de sa démarche si particulière et si féminine. Son sourire reflète le plaisir d'être regardée et de vérifier l'expression de mon visage à quel point je la trouve ravissante. De la voir si belle, je me maudis de ne pas avoir mis un costume plus approprié à sa magnifique robe. Je me sens un peu ridicule et je suis sur le point de m'excuser de ne pas lui faire honneur. Peut-être Nathalie le pressent-elle, car avant que je n'aie ouvert la bouche, me détaillant de la tête aux pieds, elle dit « Un blazer et un jean, cela vous va très bien. Mes compliments, Jean, vous êtes très élégant. Je ne sais pas si je suis élégant, mais ce qui est certain, c'est que vous sortez tout droit d'un rêve. Mis à part que personne ne peut faire de rêve aussi beau. » Le sourire de Nathalie devient franchement coquin et ses yeux pétillent de malice. « Encore 5 minutes et votre rêve va vous dévorer tout cru. Je meurs de faim. » Je lui donne le bras et l'entraîne vers le restaurant. « Ce serait un privilège. » Elle tourne la tête vers moi, l'air intrigué. « Et peut-on savoir ce qui serait un privilège d'être dévoré tout cru par une si jolie femme ?» Elle me donne une tape sur la main. « Voulez-vous bien être sérieux? Vous allez me faire rougir. » Du coin de l'œil, je vois bien que c'est elle qui n'est pas sérieuse. Notre entrée dans la salle de restaurant ne passe pas inaperçue et pendant quelques secondes, le maître d'hôtel qui nous conduit à notre table en perd même son impassibilité professionnelle. Pendant tout le repas, nous allons évoquer notre enfance. Je ne me lasse pas de la regarder manger avec cette délicatesse si naturelle et de l'écouter me parler de sa petite enfance à Houston où elle est née, de son adolescence à Miami et en Californie, dans la propriété viticole héritée de son grand-oncle maternel. Un pur Irlandais qui aurait dû brasser de la bière ou faire du whisky, mais qui tout jeune s'était pris de passion pour la vigne et au fil des années, sélectionnant soigneusement les cépages, avait réussi à produire un des plus grands crus de Californie. Elle me parle de ses parents qui l'ont élevée avec tant d'amour. D'eux, elle a appris à aimer l'Irlande, sa seconde patrie, et de sa mère en particulier, la musique, le chant et la danse, disciplines dans lesquelles elle a débuté toute jeune dès l'âge de 6 ans. Bien que cela paraisse incompatible avec une âme d'artiste, elle s'est révélée très tôt particulièrement douée pour les mathématiques. Elle se souvient de ces années comme d'une période magique où entrer en salle de cours était un moment de pur bonheur, tout comme lorsqu'elle s'asseyait au piano ou chantait en s'accompagnant à la guitare des airs du folklore texan. Je l'écoute bouche bée, sachant aussi qu'elle parle et écrit couramment le français et l'espagnol, en plus de l'anglais, sa langue maternelle. Au dessert, je découvre qu'il faut y ajouter le gaélique. Un instant, je me demande ce qu'elle peut bien trouver un homme, comme moi, dont la culture se résume aux centaines de bouquins dévorés à longueur de soirée. Elle doit sentir ce que j'éprouve, car elle avance sa main sur la table et prend la mienne. « Vous savez, Jean, le monde dans lequel vous vivez est si différent du mien et tellement magique. Nous avons tant à apprendre l'un de l'autre. Imaginez que, comme moi, vous soyez un scientifique. Qu'auriez-nous bien pu avoir à nous raconter? J'adore le mystère et le romantisme, mon âme celte, sans doute, et vous êtes aussi mystérieux que romantique. » Elle n'a pas lâché ma main, ses grands yeux bleus rivés aux miens. Son regard est comme une caresse et je suis très ému qu'elle m'ait cerné sans que j'aie besoin de parler. Dans son mouvement, elle s'est légèrement penchée en avant et son décolleté déjà généreux s'ouvre encore davantage. Est-ce la direction de mon regard qui trahit mon trouble ou parce que j'ai tout à coup peine à déglutir? Je vois son petit sourire en coin et au fait qu'elle lâche ma main et se redresse, qu'elle s'est parfaitement rendu compte que mon regard s'est attardé un peu trop longtemps entre ses seins. Je bafouille. « Pardonnez-moi, Nathalie. Ce n'était pas très correct. Je vous prie d'excuser ma maladresse. » Elle me reprend la main, et son sourire se situe entre espièglerie et provocation, tout comme d'ailleurs sa réponse. « De quelle maladresse parlez-vous? Si je n'avais pas voulu que vous regardiez ma poitrine, je n'aurais pas mis cette robe. Venant de vous, ce regard était flatteur, et j'en étais flatté. » J'ai tout d'un coup une irrésistible envie de l'embrasser, et cela aussi doit se voir sur mon visage, car ses yeux changent de couleur pour devenir très clairs, signe que je reconnaîtrai bientôt comme la première manifestation de son désir. Hélas, la table nous fait obstacle, et je dois me contenter de caresser sa main. Elle ne se déroule pas et me rend ma caresse, sa peau est si douce. L'émotion était très forte, sans doute autant pour elle que pour moi, et nous mettons quelques secondes à nous refaire une contenance, sans pour autant nous lâcher la main. C'est un changement d'ambiance qui nous fait émerger de notre bulle. Le murmure des conversations qui bourdonnaient dans la salle depuis notre arrivée a fait place à un silence quasi total. La salle est déserte, plus un seul client attablé. Seul le maître d'hôtel est encore là, planté raide comme un piquet près de la porte. Je jette un coup d'œil à ma montre. Il est plus de 11 heures. Le brave homme doit nous maudire. Maître digne ne laisse rien paraître. Nathalie se rend compte de la situation. « Oh mon Dieu, il n'attend plus que nous pour fermer !» Nous nous levons d'un même geste. Je n'ai même pas le temps d'aller lui tenir sa chaise. En passant devant le maître d'hôtel, je lui glisse un billet de 50 francs. Il retrouve d'un coup le sourire et s'incline en guise de remerciement. Le bar est encore ouvert et le barman toujours à son poste. Dès que nous sommes assis, il s'avance. « Deux cafés, je suppose ?» Nathalie lui répond. « Vous supposez bien, mais vu l'heure, pour moi, ce sera un déca. » Je renchéris. « Idem pour moi. » Les deux cafés nous sont rapidement servis, ce qui me fait penser au petit déjeuner du lendemain. Demain matin, je pensais courir pendant 1 heure et partir tôt de façon à être prêt pour le petit déjeuner, mais si... Elle m'interrompt, l'air étonné et amusé. « Vous voudriez courir demain matin ?» Parce que c'était aussi mon intention. J'allais justement vous en parler. Je serais très heureuse que vous acceptiez de courir avec moi. Je suis interloqué. Courir avec vous? Bien sûr, voyons. Mais pincez-moi. En plus de tous les talents dont vous m'avez parlé, vous faites aussi du sport. Dites-moi ce que vous ne faites pas. Je pense que ce serait plus simple. Elle rit franchement, ce qui fait relever la tête au barman occupé à ranger de tasses et verres. J'essaie de me maintenir en forme en courant au moins 2 fois par semaine, mais j'avoue manquer un peu de temps pour ça. Que vous manquiez de temps, cela peut se comprendre, mais en tant qu'astrophysicienne, il ne vous aura pas échappé que sur la planète Terre, une journée ne fait que 24 heures. Elle apprécie le compliment et la boutade, mais se défend d'être exceptionnelle. Vous savez, je n'ai aucun mérite à ça. Si je dois ce que je suis à mon travail, la partie la plus importante, je la dois à la loterie de la nature. Je me considère plus chanceuse que méritante. Ce qui fait de vous quelqu'un de modeste en plus d'être belle, douée et intelligente. Vous allez me faire rougir, Jean. Si je n'étais pas persuadé de votre sincérité, je pourrais croire que vous êtes un flatteur. Mais quoi qu'il en soit, merci, vous êtes adorable. Avec l'éclairage tamisé du bar, elle est encore plus belle que jamais. Je me penche vers elle. Il n'y a pas une once de flatterie dans mon propos, Nathalie. Vous êtes éblouissante. Et je vous dis simplement que je suis ébloui. Elle tend la main et me caresse la joue, puis se penche davantage et m'embrasse comme elle l'a déjà fait. Un baiser léger comme un papillon. Puis, elle me prend la main et se lève. « Venez, il est temps d'aller dormir. Sinon, demain, nous n'aurons plus de jambes pour aller courir. » Elle garde ma main dans la sienne et je la suis dans le hall puis dans l'ascenseur. Nous nous arrêtons devant la porte de sa chambre. Là, elle noue ses bras nus autour de mon cou et me donne un baiser dont je m'attends à ce qu'il soit aussi léger que les précédents. C'était exactement le contraire. Son baiser est très tendre et très appuyé. Sa bouche est si douce que j'ai l'impression de la sentir fondre sous la mienne. Elle se fait lourde dans mes bras passés autour de sa taille, et lorsqu'elle entr'ouvre ses lèvres, je ressens comme une décharge électrique au bas du ventre. Aucun de nous n'a, semble-t-il, envie de rompre l'étreinte, et notre baiser se prolonge pendant près d'une longue minute. Lorsque doucement, elle fait cesser la magie en détachant ses lèvres des miennes. Son corps est toujours plaqué contre moi et je la serre si fort qu'elle est complètement cambrée. Je sens sa poitrine se soulever et son ventre onduler au rythme de sa respiration qui s'est accélérée. À la couleur de ses yeux, je peux lire l'intensité de son désir. D'une voix devenue rauque, elle me dit « Merci Jean pour cette soirée ». À l'instant, dans vos bras, je me suis senti désiré comme toutes les femmes voudraient l'être. Merci pour ce cadeau. Je vais rêver de vous. Bonne nuit, Jean. Je suis frappé de mutisme. C'est la plus belle déclaration d'amour qu'on ait jamais faite. Elle redevient Nathalie l'espiègle. Allez vite dormir, sinon demain vous n'arriverez même pas à me suivre. J'ai juste le temps de lui souhaiter une bonne nuit et je reste là, dans le couloir, les bras ballants, alors que la porte se referme sur son magnifique sourire. Tout devient aveuglant. Puis la lumière s'éloigne très vite pour ne devenir qu'un point et disparaître. Chère Lacia, Merci de m'avoir permis de revivre ces moments magiques. Je suis sorti de ma transe hypnotique, les larmes aux yeux, et j'ai longtemps pleuré. C'était des larmes de bonheur. Je voudrais déjà pouvoir commencer la séance suivante. Bonne soirée, Jean.